Le chocolat et toi. Hier, j'ai mangé du chocolat. Et alors, me direz-vous? Eh bien, le chocolat, c'est bon. C'est bon pour le moral. Une musique entraînante au passage. Oui, j'ai traversé un passage pour piétons, comme d'habitude. Une habitude, mais peut-être pas pour tous. Comme manger un carré de chocolat. Pourquoi? Eh bien parce que ça remonte le moral. Remonter le moral? Parce qu'en ce moment, il ne fait pas très beau. Quand il fait beau, même s'il fait chaud, on est content ou pas. Oui, parce qu'en fin de compte, le temps, c'est une question de goût. Un peu comme le chocolat. Moi, j'aime le chocolat, mais peut-être pas vous.